François Morel, c'est à vous. La révolte gronde, Nicolas, l'exaspération monte, la colère ne tarit pas, le pouvoir tremble, risquant d'être mis au moins en difficulté, au pire de tomber suite à ce phénomène né dans les trains de France. Oui, sachez-le, les contrebassistes ne baissent pas les bras. Ils risquent de descendre dans la rue, de mettre le pays à feu et à sang, de dévaster tout, mis à bout par une injustice flagrante, une persécution intolérable des brimades arbitraires. Oui, une fois encore, je parle de ce combat que déjà j'avais traité dans une de mes chroniques précédentes et qui m'avait valu la reconnaissance de nombreux contrebassistes et même de certaines harpistes et violoncellistes solidaires, mais n'avait suscité aucune réaction de la part de la SNCF, qui devrait quand même me porter une certaine considération, puisque mon père, Louis, a régné en gare de Flers de l'Orne en tant que sous-chef de gare 2 pendant des décennies, puisque ma grand-mère Marie fut sans mollir une garde-barrière émérite à Saint-Baumer-les-Forges sur la ligne Caen-Laval, aujourd'hui disparue et devenue voie verte, puisque mon oncle Francis à Argentan, marié à ma tante Juliette, également garde-barrière à Écouchet, avait consacré toute sa vie professionnelle à cette entité respectable et vénérée, crainte, parfois honnie, parfois admirée, la Société Nationale des Chemins de Fer. La semaine dernière, Francis Marmande lui-même, dans le fanzine Le Monde, compter la mésaventure de Stanislas Kuczynski, prenant en janvier 2022 le TGV 8361 à 13h42 en direction de La Rochelle, arrivé à 16h21. Kuczynski arrive en avance dans le TGV, reste sur la plateforme à côté de son instrument afin de ne pas gêner. 14 minutes avant le départ du train, quasiment vide, le contrôleur repère le musicien et lui demande de descendre. Kuczynski tente de parlementer, propose de payer une amende. Rien n'y fait. Le contrôleur refuse. Le contrôleur est intraitable. Le musicien refuse de descendre. On le comprend. Il a un concert le soir même. Le contrôleur va chercher un policier qui oblige Kuczynski à descendre du train, à prendre son automobile, à rallier La Rochelle en 5h32 minutes. 44 euros de péage. Bilan carbone déplorable. La SNCF passe son temps à comparer le bilan carbone du train par rapport aux autres moyens de transport et veut obliger Kuczynski et tous ses collègues contrebassistes à emprunter leur voiture. Francis Marmande, envoyé spécial partout dans le monde musical et tauromachique, cite encore le cas de Bruno Chevillon qui triomphe avec Lady M, l'opéra de Marc Ducret, qui déclare « Depuis quelques mois, j'ai pris trois prunes à 50 euros, une à 150, pas mal de sermons ». Qui sont ces contrôleurs inflexibles avec qui on voudrait bien être solidaire quand ils se plaignent de leurs conditions de travail, mais qui refusent de comprendre la réalité du métier de contrebassiste qui ne peut pas faire autrement que de se déplacer avec son instrument pour aller faire son travail partout où on le réclame, dans les théâtres, les salles de concert, les opéras, mais aussi les écoles, les EHPAD, les prisons, les conservatoires, partout où l'on convient que la musique adoucit les mœurs et apaise les consciences et soulage les souffrances et console des chagrins, des misères, des violences. Existe-t-il des contrôleurs qui ne se contrôlent plus quand il faut punir les musiciens ? Faut-il laisser les contrôleurs décider si le contrebassiste doit ou non avoir sa place dans un train à côté de son instrument ? Faut-il obliger les contrôleurs à devenir mélomanes ? SNCF, toi qui acceptes les chiens, les chats, les skis, les surfs, admets les contrebasses qui ne peuvent pas maigrir à cause de ta législation inadaptée. SNCF, toi qui promeut les pianos en gare, autorise les contrebasses en train, apporte une réponse positive aux contrebassistes ulcérés, mortifiés, meurtris d'avance. Merci. La colère de François Morel et les infos à suivre. France Inter.